Ah. L'odeur de la liberté. Ou celle d'un loup brôti. Il a spawn, pieds nus, l'air fier. Il croyait qu'un caillou suffisait à faire la guerre. Il m'a vu avec mon bidon rouge à la main. Il a souri. Quelle erreur, quel destin. J'ai dipé sur la crie et je farme. Et dans Russe, le karma, un joli charme. Le feu a parlé, le bois a chanté. Et sa petite base a flambé. Grillade de noob, sauce kérosène. Un petit goût de pixel et d'ADN. T'avais capable sans toi, Nicole. Maintenant t'es cuit, croustillant la mode. Grillade de noob, plat du jour. T'as farmé pour moi, quel amour. Merci pour l'huile, merci pour la viande. T'es mon petit festin. Il a crié pas mon sac, trop tard c'est l'apéro. J'ai fait flamber tout son radeau. Ses coffres ont pété comme des feux d'artifice. Et moi, je prenais des screens pour les coulisses. Il avait stocké plein de gear, quelle ironie. Maintenant j'ai tout et lui. Il prit la morale dans Rusty, y'a pas de répit. Sauf quand t'es bien cuit. Riade de noob, soirée flamme. J'invite les potes, on joue aux dames. Chaque pion s'étend, qu'ai-je bien planqué. Chaque tour, une base qui va cramer. Riade de noob, fond musical. Le crépitement me idéal. Pas besoin de beat, juste du feu. Et des noobs qui hurlent un petit adieu. T'entends? C'est le son de ton stuff qui part en fumée. Rust, c'est pas un tuto, c'est un four. Grillade de noob, je me régale. Tabac, c'est ma sauce spéciale. Un petit dessert dans le four du destin. T'es croustillant, je te garde demain. Grillade de noob, festival du feu. Viens à la base, y'a du joyeux. Mais ramène pas d'eau, c'est interdit. Ici on cuit, ici on rit. Encore un, s'il vous plaît.